Book 2 55 55 55 العمل Travailler Travailler ما هي وظيفتك؟ Que faites-vous dans la vie? Que faites-vous dans la vie? وظيفة زوجي طبيب. Mon mari est médecin. Mon mari est médecin. أنا أشتغل كممرضة حتى منتصف النهار. Je travaille comme infirmière à mi-temps. Je travaille comme infirmière à mi-temps. قريبا سنتقاعد. Nous partons bientôt à la retraite. Nous partons bientôt à la retraite. لكن الضرائب مرتفعة. Mais les impôts sont élevés. Mais les impôts sont élevés. والتأمين الصحي مكلف. Et l'assurance maladie est chère. Et l'assurance maladie est chère. ماذا تريد أن تصبح يوما ما؟ Que veux-tu faire plus tard? Que veux-tu faire plus tard? أريد أن أصبح مهندسا. Je voudrais devenir ingénieur. Je voudrais devenir ingénieur. أريد أن أدرس في الجامعة. Je veux étudier à l'université. Je veux étudier à l'université. أنا طالب متدرب. Je suis stagiaire. Je suis stagiaire. لا أكسب الكثير. Je ne gagne pas beaucoup. Je ne gagne pas beaucoup. أنا أتدرب خارج البلد. Je fais un stage à l'étranger. Je fais un stage à l'étranger. هذا هو رئيسي في العمل. C'est mon chef. C'est mon chef. لدي زملاء لطفاء. J'ai des collègues sympathiques. J'ai des collègues sympathiques. نذهب دائما وقت الظهر إلى الكافيتيريا. À midi, nous allons toujours à la cantine. À midi, nous allons toujours à la cantine. أبحث عن وظيفة. Je cherche du travail. Je cherche du travail. صار لي عام عاطل عن العمل. Je suis au chômage depuis déjà un an. Je suis au chômage depuis déjà un an. يوجد في هذا البلد كثير جدا. من العاطلين عن العمل. Il y a trop de chômeurs dans ce pays. Il y a trop de chômeurs dans ce pays. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.